Merci. Donc, j'étais un tout petit peu embêté et en parlait il y a très peu de temps ici même, mais finalement ayant peu de choses à dire, donc je voulais renouveler quand même mon discours, enfin courtoisie vis-à-vis des fidèles, en restant dans la même idée, c'est-à-dire renouveler la description de la société telle qu'elle est d'un point de vue émancipateur, non pas en faisant une théorie, mais une théorie descriptive, en décrivant ce qu'on voit et en ayant, en partant du corpus néolibéral tel qu'il a été formalisé autour de la Seconde Guerre pour voir qu'est-ce qu'on capte avec ça et qu'est-ce qu'on capte pas. Et donc, pour renouveler mon discours, je vais honorer la deuxième partie de la demande. Qui est Parcoursup, qui a intérêt de repartir sur au moins un exemple nouveau par rapport à ce que j'ai discuté il y a 3 semaines, un mois. Il me semble que Parcoursup, on capte énormément de ce que c'est à partir de cette base théorique et en particulier d'un morceau qui vient de l'école américaine néolibérale qui est le capital humain et je prendrai aussi la réforme du bac dedans pour lier un tout petit peu. Donc en quoi est-ce que Parcoursup est pleinement dans une idéologie qui forme un tout assez cohérent? D'abord parce qu'il se présente comme sous ce qu'on appelle le solutionnisme, c'est-à-dire sous une façade technique, sans que un problème auquel la solution répond soit jamais posé. Ou du moins, la manière dont le problème est posé est toujours d'une indigence manifeste, en l'occurrence, sous la forme d'éléments de langage produits par une cellule de communication du ministère qui se renouvelle de semaine en semaine et de sorte que tout le monde dise la même chose. Et pendant 3 mois, ça a été le tirage au sort qui a touché 0,4% des étudiants, des 820 000 étudiants de l'an dernier, qu'il a fallu recaser dans d'autres formations. Donc voilà le problème qui est supposé être traité, qui est donc un problème extraordinairement mal posé par rapport à l'éducation de la jeunesse telle que on a envie qu'elle soit dans la société qu'on veut construire. Donc le solutionnisme, qui se présente sous sa façade technique depuis maintenant 3 ou 4 semaines, sous une façade extrêmement technique qui est algorithmique, dans le détail duquel je vais rentrer pour tirer des leçons un peu plus générales. Donc le problème algorithmique consiste à marier des lycéens avec des parcours de formation. On a 820 000 lycéens, il faut les affecter, donc c'est un problème d'affectation, disons pour simplifier, dans 820 000 formations. Pour faire ça, eh bien, il s'agit de faire ça de manière efficiente, si possible optimale. Et se pose un gros problème, c'est que tout problème d'optimalité dans un problème de ce type, d'association d'une personne vers une formation, une formation vers une personne, l'optimalité n'existe que si on a un critère d'optimalité qui est juste un nombre qui quantifie toute la situation, les 820 000 personnes, un scalaire. En fait. Et ça, c'est pas le cas, on n'a pas de moyen de quantifier la situation globale. On a moyen de dire si l'arrangement qu'on a trouvé entre les lycéens et leur parcours est stable, c'est-à-dire que une fois qu'on a trouvé une solution, on a mis chaque personne dans un parcours, eh bien, il n'existe pas de changement simple qui soit meilleur entre deux candidats et deux parcours. C'est-à-dire que finalement, monsieur A voulait le parcours qu'a eu monsieur B et monsieur B le parcours que voulait monsieur A. On voit bien qu'il y a une permutation qui rend les choses meilleures et donc toute situation dans laquelle il n'est pas personne ne peut trouver de permutation binaire qui améliore la situation, elle est stable. De sorte que ce problème s'appelle le problème des mariages stables, dans lequel le même nombre d'hommes et de femmes doivent se faire des propositions en fonction de leur liste de préférences. Les hommes pour les femmes pour les hommes. L'image est légèrement réactionnaire, mais voilà comment ça s'appelle. Il se trouve que, et c'est intéressant, ce problème admet une solution, et même un grand nombre de solutions, qui ont toutes les propriétés mathématiques d'optimalité. On est donc dans une configuration dans laquelle la rationalité centrale, l'organisation de l'État centralisé, peut arriver à trouver un optimum. Il n'y a pas un seul optimum pour les raisons suivantes. La manière dont on procède, c'est que les hommes et les femmes ne font pas le même choix dans l'algorithme optimal de traitement des mariages stables, qui s'appelle Gay-Chapelet, du nom des deux personnes. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on fonctionne avec des tours, comme on peut le voir en ce moment avec Parcoursup, dans lequel les hommes qui restent célibataires à un moment du tour choisissent la femme qu'ils préfèrent parmi toutes celles à qui ils n'ont jamais fait d'offre de mariage, c'est-à-dire celles pour lesquelles les tours précédents ont montré qu'ils n'étaient pas choisis. Ils ne peuvent plus les rechoisir, mais ils en choisissent qu'une. En regard, les femmes disent peut-être à celui des hommes qui ont fait une proposition, donc les femmes reçoivent plein de propositions, et disent peut-être au préférable de tout cela, non à tous les autres. Donc on voit que l'algorithme est dissymétrique, puisque les hommes et les femmes dans l'algorithme ne jouent pas le même rôle, et l'optimalité, eh bien, peut être une optimalité du point de vue des hommes ou du point de vue des femmes. Donc, APB, le système précédent, du point de vue technique, était un système centralisé, donc très très peu néolibéral dans son essence. Au contraire, l'État central collecte tout et décide, et était fondé sur l'optimalité du rang des vœux des étudiants. Ce qui est optimisé, c'est que chaque étudiant, au sens de la stabilité des mariages stables, reçoivent le vœu le plus conforme à ses aspirations. Moyennant quoi, à quoi ils sont mariés, à des parcours qui, eux, émettaient un choix neutre. Tout étudiant qui nous souhaite est très bien pour nous. Ça a été renversé pour faire un mariage stable dans l'autre sens, c'est-à-dire les formations classent les étudiants, et ce qui est supposé être optimisé, c'est pour chaque formation le rang du dernier admis dans la formation. Voilà ce qui mathématiquement est supposé être optimisé. Conformément à quoi, de l'autre côté, au vœu de l'étudiant. Donc on s'arrange pour que le dernier prix de telle ou telle formation soit le mieux classé possible. Et c'est là qu'il arrive une chose que je trouve absolument remarquable, c'est que pour faire ça, l'État centralisé est parfaitement efficient de manière mathématiquement prouvée. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Ah, une petite nuance, mais cette nuance, elle parle beaucoup. Enfin, deux petites nuances. La nuance qui parle beaucoup, c'est que, alors même que APB pouvait traiter instantanément, enfin dans le temps d'un calcul numérique, l'ensemble, trouver la solution optimale du problème, en ce sens très précis, eh bien, on n'a pas hiérarchisé les vœux des élèves, de sorte qu'il n'y a pas de machine centrale capable de calculer l'optimum, y compris de ce nouveau problème. Du coup, la solution du problème suppose que, dans l'idée des gens qui s'expriment au nom des concepteurs de l'algorithme, ils pensent que c'est un problème d'optimisation. Dans la réalité, les lycéens, en ce moment, sont mis sous une pression psychologique écrasante, doivent trouver des logements. Évidemment, c'est pas indifférent pour eux que la solution qui leur est proposée arrive le 30 septembre ou maintenant. il faut éventuellement candidater au CROUS, il faut avoir les reins solides pour être l'agent rationnel de la théorie économique, celui qui, du premier jour, classe ses vœux et il attend jusqu'au bout qu'on lui offre le meilleur de ses vœux. Et donc, qu'est-ce qui se joue dans ce décalage entre l'État centralisé et la réalité de ce qui est fait? Il se joue la croyance centrale, le premier postulat du néolibéralisme d'Hayek, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la mise en concurrence, et elle seulement, est efficiente. Contre quoi? Contre le saint-simonisme, contre tout ce qui a la prétention, de manière rationnelle, d'organiser la société. Organiser la société de manière centralisée dans l'État, c'est mal. L'efficience ne peut provenir que de la collecte de morceaux de savoir dans la société, et cette collecte, ce cerveau dilué dans la société et connecté, lui va trouver la solution optimale. Et donc là, on est dans une situation absolument inouïe, dans laquelle, par pure idéologie, alors qu'on sait trouver la solution optimale mathématiquement, on ne le fait pas. On ne le fait pas, et donc c'est intéressant de savoir les raisons. Pourquoi? Parce qu'on met tous ces lycéens dans une souffrance d'attente, d'être mis en attente. Alors, on peut limiter ces raisons. Donc, il y en a une, c'est que si tout le monde savait que les vœux des lycéens sont, de manière ordonnée, stockés dans un ordinateur du ministère, il y aurait une pression journalistique pour demander « Mais alors, puisque vous dites que c'est optimal, votre système, donnez-nous le degré de satisfaction des lycéens. » Et là, on se rendrait compte que cette asymétrie homme-femme, femme-homme, qui se choisissent les uns ou qui se choisissent les autres, est très très violemment non symétrique, en ce sens que, en ce moment, selon toute probabilité, le nombre, la fraction de lycéens qui a son premier vœu a chuté d'un système à l'autre système de 50% à probablement 15%, 17%, 20%, c'est dur à estimer. On peut le faire, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails. On peut le faire, mais on ne connaît pas les premiers vœux. Non, donc on connaît les premiers vœux de manière. Donc il y a deux manières, alors je vais rentrer dans les détails techniques du coup. On peut le tirer de deux manières. On a vu sur la première semaine, c'était extrêmement intéressant. Pourquoi? L'agent, même si les lycéens ne sont pas des agents rationnels de la théorie néoclassique, ils ne sont quand même pas des abrutis complets, et donc quelqu'un qui reçoit son premier vœu, ou éventuellement deux vœux, il choisit vite. Et il relargue, eh bien, 9 autres vœux, si on en a fait 10. Et donc, il y a un délai de 3-4 jours pour choisir. Il y a un délai de 3-4 jours, mais normalement, quand même, son vœu de cœur, ce qu'on a envie de faire, on le sait. Ses premiers vœux, on le sait. Donc on voit au niveau de relargage, le nombre de relargages qu'il y a eu en première semaine, pointait, si vous relarguez en moyenne une autre formation, ça veut dire qu'il y en a 8 autres qui vous plaisaient assez pour que vous patientiez. Et donc le niveau de relargage du nombre, donc potentiellement, si beaucoup de gens avaient été servis en premier vœu, ils auraient relargué 9 vœux chacun, sauf en avoir moins, mais enfin, donc c'est pour ça que c'est un tout petit peu dur à modéliser, mais on peut tirer des bornes, et très probablement le niveau de satisfaction est très mauvais, c'est-à-dire que l'ensemble du dispositif est fait pour que le petit nombre, 20% disons, soit ait toute possibilité de choix avec tous les autres dont on sacrifie les choix. Tous les autres étant aussi indifférenciés du point de vue de leur niveau, puisqu'ils sont dans le ventre mou des notes du lycée dans lequel bon, c'est pas brillant. Ce discours, cette idée de l'efficience qui naît de la mise en concurrence et qui est infiniment supérieure à l'état rationnel qui pense la société. C'est ce que Hayek a baptisé le catalepsie. Et c'est ça qu'on peut tester sur ce petit système avec, je pense, si on avait moyen de récupérer toutes les données, l'illustration du fait que le marché est très très violemment sous-optimal par rapport à un ordinateur centralisé qui est capable d'optimiser mathématiquement les choix. Et alors, du coup, c'est assez intéressant parce que il y a l'argumentaire qui arrivait que c'était plus humain de faire ça. C'est plus humain parce qu'on a le choix plus longtemps. Et c'est assez extraordinaire parce que du coup, la défiance algorithmique, à l'évidence, est un défaut du système. Il vaut bien mieux demander aux gens de réfléchir en un coup. Donnez-nous vos 10 vœux ordonnés, réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Ordonnez. Et ensuite, on sort l'optimal social pour vous que ce procédé, que moi je trouve très inhumain. Enfin, il y a une pression en ce moment sur la tête des jeunes gens qui est extrêmement forte. Ce qu'il joue aussi, c'est le discours de l'expert. Alors, on a trouvé, donc le discours officiel dit que la meilleure chercheuse, enfin, le meilleur chercheur qui est une femme en algorithmique en France, titulaire d'une chaire au Collège de France, a contribué à faire cet algorithme des mariages stables dans lequel les agents sont partis de l'algorithme, puisque c'est ça la différence profonde. Ils sont à l'intérieur de l'algorithme puisqu'ils sont supposés se comporter en agent rationnel avec une connaissance absolue de tout. Et le discours de l'expert, il arrive ici pour disqualifier toute parole politique. C'est-à-dire que avec le solutionnisme arrive cette figure de l'expert dans lequel la rationalité devient la fin des choses et pas le moyen de porter un discours politique. De sorte que ceux qui sautent et qu'on voit très très bien en ce moment, c'est l'idée même du libéralisme politique selon laquelle il y a une pluralité de rationalité en débat, en tout cas que la rationalité n'est pas la fin mais le moyen d'un discours politique. Et les deux interviews données par Claire Mathieu, cette experte, sont extrêmement intéressantes de ce point de vue. Moi, je trouve ces interviews inhumaines, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un mot pour les lycéens, elle n'a pas une attention sur le fait que se joue du temps, et que ce temps se joue des choses dans ce temps, se joue la vie de ces jeunes gens, et des choses très très concrètes, mais que les lycéens sont ses agents. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune distance entre l'agent de la théorie néoclassique et le lycéen. Ce qui est inouï. On sait bien qu'un lycéen n'est pas un agent de la théorie néoclassique. Enfin, c'est une évidence. Le deuxième, donc, d'Épinon, il y a une deuxième chose qui se joue juste derrière, déjà beaucoup, beaucoup moins discutée dans les journaux, qui est la base sur laquelle se font les évaluations. Donc, derrière Parcoursup, à l'évidence, c'est l'essence même du problème des mariages stables. Les lycéens évaluent les formations et les universitaires évaluent les lycéens. On a donc ici une mise en concurrence parfaite dans laquelle les victimes s'évaluent mutuellement. D'où on tire, je pense, un point clé de ce fonctionnement du néo-management dans sa partie évaluation-classement, de la trilogie projet-évaluation-classement, puisque on voit bien que il suffit d'un dispositif normatif, Parcoursup ici, alors il n'est pas évanescent, on le voit bien quand même, hein, pour demander cette mise en concurrence mutuelle qui est amenée sous un an, deux ans, trois ans à ce que le nouvel OPS et sa rubrique le classement des meilleures formations en sociologie, comme il classe les meilleurs prix de l'immobilier, le vrai salaire des cadres et les francs-maçons. Et on voit bien que ça va se précipiter à une vitesse extrêmement grande, c'est-à-dire on demande aux lycéens d'effectuer le travail de différenciation des formations proposées par leur hiérarchie. Leur hiérarchie reproduisant évidemment la norme ambiante. On sait bien comment ça se passe par exemple pour les grandes écoles pour lesquelles c'est le système de très longue date. J'ai un souvenir, moi qui suis passé par une classe préparatoire, il y avait un classement implicite de l'ordre dans lequel on devait accepter les grandes écoles d'ingénieurs. Personne ne savait pourquoi c'était comme ça, mais il existait. Donc évidemment, il y a la mise en concurrence qui est là, la mise en concurrence qui n'est pas précipitée par une hiérarchie, mais qui est mutuelle entre ceux qui vont la subir. Cette base de l'évaluation, elle est pour les universitaires, elle fait sauter le baccalauréat, elle met en extinction le baccalauréat. Et c'est quelque chose qui est évidemment important du point de vue de cette tension que j'ai discutée avant entre l'État saint-simonien qui pense la société de haut et qui a une vision pour le futur de toute la société, et par conséquent qui crée des diplômes égalitaires parce qu'il entend avoir des niveaux qui évidemment sont montés au cours du temps entre le certif de l'après-guerre jusqu'au baccalauréat au tournant des années 80 a marqué pour la classe moyenne un niveau normalisé auquel on devait aspirer et mettait comme ça cette aspiration pour toute la société. Et cette chose-là est en train d'être volatilisée de manière très subtile, puisque on ne met pas en extinction le baccalauréat directement, on le rend inopérant comme certification de conformité à un certain niveau de manière égale sur le territoire. Ça appelle un bout très précis de la doctrine néolibérale, qui est que le néolibéralisme vise à créer du marché partout où c'est possible. Créer du marché, ça ne peut pas se faire si tout se vaut. On ne peut pas, si tous les baccalauréats qui ont 12 de moyenne ont la même valeur sur le territoire, il est impossible de les mettre en concurrence. Il faut les différencier. Et donc, cette procédure de différenciation, elle est essentielle pour créer du marché. Et on voit donc bien pourquoi l'éternel saint-simonisme est en friction avec le néolibéralisme, puisque l'un entend au contraire poser des normes qui sont des normes qui vont poser un certain niveau de diplôme, quand l'autre va mettre comme norme des dispositifs de mise en concurrence comme ça. Donc, fin du baccalauréat, au profit de quoi ? Eh bien, d'une caricature de recrutement dans une entreprise. Il y a une managérialisation de la forme du dossier, y compris dans des éléments qui ont été peu ou pas regardés, comme le CV, le projet, etc. Ce qui nous amène au bout d'après, qui est la théorie du capital humain. Quelle est la question pour l'école de Chicago à laquelle répond la théorie du capital humain ? Et à nouveau, c'est vraiment intéressant de réarticuler comme ça. Elle entend répondre à la chose suivante. S'il existe une hiérarchie des salaires, elle doit refléter une hiérarchie des compétences. De sorte que tout ce que ce dont le salaire est le reflet, et en particulier la variété des salaires, cela provient du fait que les compétences sont répartis à des degrés divers chez les individus étant stock de compétences, et il doit exister une relation directe entre ces deux choses-là. C'est intéressant parce que cette proposition est non falsifiable, elle est non scientifique. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de savoir si c'est vrai ou pas, pas plus que l'efficience du marché, on peut savoir si elle est vraie ou pas, elle est non scientifique au sens de Popper, c'est-à-dire non falsifiable, de sorte qu'elle est normative. Elle est normative, ça signifie nous appellerons capital humain une manière de compter telle que le capital humain des individus sera reflété par la hiérarchie des salaires. Et c'est exactement la même chose pour l'agent économique. L'agent économique n'est pas une description du réel, c'est ce qu'on vise à créer comme type d'individu. Et alors ça, c'est dit très très bien par Friedman. C'est une idée fausse et qui a causé de grands dommages de vouloir tester les postulats. Non seulement il n'est pas nécessaire que les hypothèses de base soient réalistes, mais il est avantageux qu'elles ne le soient pas. Qu'est-ce qu'il dit sous forme d'humour, sous forme totalement irrationnelle? Ce qu'il dit, c'est que les théories minimalistes sur lesquelles s'appuient les développements économiques ne sont pas envisagées comme des théories descriptives, mais comme des théories normatives de contrôle des subjectivités pour modeler les individus à devenir ces agents tels qu'ils sont décrits. Et donc on a absolument la même chose pour le capital humain. Il ne s'agit pas de montrer que les individus sont dotés d'un capital humain à l'amour Dieu qui va se refléter dans les salaires, mais au contraire, il faut constituer les individus comme dotés d'un imaginaire qui réduise leur vie à être entrepreneurs d'eux-mêmes, à être purement et simplement capital humain en quête d'appréciation. Et par conséquent, on demande aux lycéens, en ce moment, eh bien, de se concevoir comme ça, c'est-à-dire de concevoir leur éducation, non pas comme éducation, mais comme investissement qui aura des dividendes. Et ça, on voit très très bien ce passage-là du salaire au dividende du capital humain se jouer dans toute la plateformisation, dans Uber, etc. C'est-à-dire, on a à la fois une individualisation de la condition salariale dans les relations entre le manager et la personne, c'est-à-dire on liquide tout ce qui était collectif, mais aussi, il n'y a plus un salaire qui est versé, on n'est plus dans le cadre du libéralisme classique marxien, de la force de travail, mais on récupère des dividendes de son capital humain. Le capital humain étant infiniment extensif, c'est-à-dire au départ, dans le cadre scolaire, étant l'ensemble des compétences, et je vais arriver à ce point de l'école des compétences dans un instant, mais aussi tout le reste. Et ça, dans Parcoursup, apparaît explicitement. Mais des gens qui ne sont pas timides. C'est-à-dire l'idée selon laquelle ont été évaluées non pas les notes, mais l'origine sociale, et en particulier pour évacuer les lycéens d'origine modeste des formations du centre de Paris, pour dire les choses simplement, eh bien, a été reconnue par exemple par Frédéric Chanel, qui est président de Paris 5. Il a donné 3 interviews en 4 jours pour dire: si nous avons parmi les renseignements le lycée d'origine, je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas. Et donc, il dit ça explicitement, et il l'a fait, et on sait que c'est fait, c'est-à-dire, on voit que non seulement on fait exploser le bac, c'est-à-dire qu'un 12 au bac d'un lycée de 9-3 n'est pas égal à un 12 au bac d'un lycée du centre de Paris, mais c'est plus que ça, c'est que l'origine sociale telle qu'elle est reflétée à travers l'ensemble des renseignements fournis sur la plateforme sont constitutifs du capital humain. Et si on avait réduit aux notes, on aurait pu imaginer que c'était l'évaluation des compétences qui était là, mais c'est pas du tout le cas. Le CV, le lycée d'origine sont des choses qui sont prises en compte et qui montrent bien que le capital humain est extensif au-delà des connaissances et des compétences mises en œuvre, mais comporte eh bien exactement ce que Bourdieu a décrit comme capital qui ne soit pas financier. Ce qui est quand même paradoxal puisque ce n'était pas son intention. On en arrive à l'école des compétences qui apparaît dans l'autre phase d'explosion du bac qui est la réforme du baccalauréat. Avec des annonces totalement explicites de la part de Mathieu qui a réfléchi la chose. L'ensemble de son vocabulaire est un cliché du vocabulaire du management et de la théorie du capital humain. C'est absolument littéral et en particulier compétences et toutes les deux phrases dedans. Le bilan de compétences en licence a été annoncé par le ministre il y a deux jours. Donc on voit bien à quel point cette chose est importante. Donc, qu'est-ce qu'on entend par compétence et comment ça a marché? Eh bien, l'école des compétences, l'approche par compétence, c'est intéressant parce qu'elle elle s'est infiltrée dans l'école. Ce sont des choses qui viennent du management et qui ont été promues par toutes les institutions internationales, OCDE, Banque mondiale, etc., en particulier pour l'Afrique, et qui se sont infiltrés, si je puis dire, par les nôtres, par les milieux pédagogues. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette idée au départ que la reproduction sociale venait du fait que l'éducation aspirait à la transmission de savoir. Et la transmission de savoir, ce sont des valeurs réactionnaires et c'est fait pour assurer la reproduction. Par conséquent, que faut-il faire pour pallier ça, pensait-on dans les milieux émancipateurs? Eh bien, les classes populaires ayant du savoir-faire par opposition aux classes bourgeoises qui ont des savoirs formalisés, eh bien, il faut aller vers le savoir-faire, c'est-à-dire le savoir mis en action. Et ça va permettre de revaloriser les étudiants, les élèves d'origine modeste. Et les compétences sont arrivées comme ça, avec la trilogie savoir, savoir-faire, savoir-être, qui sont le beuh-a-ba des manuels de management pour contrôler les individus dans leur comportement, de manière non disciplinaire, mais au travers de normes. Cette chose-là est en ce moment promue sous la forme donc des soft skills, on le dit en anglais savoir-être, sous une forme qui appelle à la fois à une vision religieuse des neurosciences, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les neurosciences pour lesquelles j'ai beaucoup de respect en tant que discipline scientifique, mais une vulgate qui prétend parler au nom des neurosciences sans en être, mélangé avec des choses qui ressemblent à une mystique indie, les soft skills étant confiance, empathie, intelligence émotionnelle, communication, gestion du temps et du stress, audace, motivation, présence, vision, etc. C'est-à-dire fabrication du consentement des personnes. Ce sont des techniques de contrôle éprouvées de demander de valoriser les soft skills en lieu et place des savoirs. Voilà par où ça s'est infiltré, avec des côtés très sympathiques. Et c'est bien ça qui fait mal a posteriori que ça soit arrivé par des milieux émancipateurs. Cette chose-là arrive maintenant dans l'école des compétences qui a vocation, de la même façon que le néo-management individualise la relation salariale jusqu'à la faire exploser, eh bien, l'école des compétences prétend individualiser la formation des enfants, donner à vos enfants la formation qu'ils méritent eux, la formation qui est adaptée à votre enfant. Et cette chose-là, c'est le cœur de l'attaque de l'Institut Montaigne. Vous savez que Bigorgne a été chef du pôle société du programme d'En Marche. Il est l'hébergeur statutaire d'En Marche. Et le ministre Blanquer, avec un certain nombre de gens comme Alvarez, qui a fait parler d'elle, a promu la ligne de l'Institut Montaigne qui consiste à aller vers le chèque éducation et les charter schools au nom de, avec cette idée mystique du bien-être, de l'école adaptée à l'individu. Et là, on voit bien la mutation entre l'idée qu'une société doit se penser en tant que société, et que si elle se pense en tant que société, eh bien l'éducation doit être investie par tous ses acteurs, les parents, les enfants, en tant qu'éducation, et en particulier pour les milieux participateurs, de tirer chaque enfant des déterminismes sociaux qui pèsent dessus, c'est-à-dire tirer les lycéens de banlieue, de leur milieu d'origine, pour les mettre dans des CTU, de sorte à ce qu'ils puissent étudier dans un environnement mixte, eh bien, tout ça saute au profit de cette idée de la responsabilité individuelle de son devenir, avec une conséquence qui arrive dès la rentrée, et ça sera mon mot de conclusion, c'est que la théorie du capital humain, c'est-à-dire le fait que l'éducation n'est plus perçue que comme un investissement dont il s'agira de percevoir les dividendes par le futur, et non pas comme éducation, ce qui est dramatique, a une conséquence, c'est que il légitime la sélection et l'augmentation des frais d'inscription. Ça va avec. Pourquoi l'augmentation des frais d'inscription? Eh bien, ça va de soi. La théorie du capital humain a été conçue pour déterminer scientifiquement quels sont les programmes qui doivent être financés par l'État et quels sont les programmes qui doivent être à la charge des individus. Avec un critère très simple, une fois que vous acceptez le concept. Tout programme, toute chose dans lequel le gain des individus est plus grand que le gain de la société, eh bien, est à la charge de l'individu. Tout gain sociétal qui est plus grand que le gain des individus, eh bien, est à la charge de la société. Et voilà comment on sépare les programmes sociaux du reste. Pourquoi ça légitime la sélection? Eh bien, parce que quand on est responsable, et de fait, on aimerait que nos étudiants soient responsables aussi, qu'ils aient un désir de savoir, un désir d'apprendre, comme on disait à Vincennes. On ne veut pas se mettre du côté des irresponsables non plus. Mais si on est responsable, eh bien, on va regarder parmi les formations qui se présentent, celle dans laquelle, étant donné son capital humain, c'est-à-dire à la fois son environnement social, ses compétences, laquelle on va pouvoir réussir. On s'auto-évalue dans son degré de réussite à venir de ça. Et comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Eh bien, on demande un prix à ça, et ceux qui sont capables de faire cet investissement, peut-être via une banque, eh bien, c'est qu'ils se sentent capables, qu'ils ont le capital humain suffisant pour ça. Et c'est en ça que la sélection est légitimée est intégré, c'est la manière dont la sélection est intégrée dans cette théorie de l'école de Chicago. Je m'arrête là. J'espère ne rien avoir oublié de mes développements. Oui, merci pour cette contribution très riche, hein, avec le débat. Vous pourrez compléter éventuellement. Donc sur les dérives néolibérales, hein, si j'ai bien compris, en matière de politique éducationnelle, hein, et institutionnelle, et sur les passifs, hein, à l'égard donc des publics scolaires et universitaires. Bon, au niveau des questions, peut-être qu'on pourra centraliser les questions après les trois interventions, si vous en êtes d'accord, parce que sinon, peut-être que ça va retarder le cours des choses. Moi, je me permettrais simplement une question pour qu'on puisse peut-être y réfléchir bon, après. Est-ce que, à votre avis, bon, puisqu'on parlait du rapport des forces, hein, est-ce qu'il est possible de continuer à inverser ce rapport des forces très défavorable et très antidémocratique? Est-ce que le Parcoursup pourrait avoir le même sort que le CPE en 2005? Est-ce que les jeunes, et les parents derrière bien sûr, hein, arriveront, peuvent parvenir à une mise en échec de Parcoursup comme il a été le cas pour le CPE en 2005? Moi, c'est la question qui m'intéresse. Peut-être qu'on pourra peut-être y répondre maintenant ou après. Un complément historique, la théorie des compétences est venue dans les programmes des lycées professionnels en français à partir de 72, non pas à partir du milieu pédagogique, mais à partir des cadres de l'éducation nationale, c'est-à-dire des cadres de gestion de la haute éducation nationale, qui avaient emprunté ces notions effectivement à la psychologie du travail et au management. Ce n'est pas les milieux pédagogiques qui l'ont introduit, c'est au cadre de l'éducation nationale des années 72. Il y a un livre qui a bien attesté de ça, enfin je ne reviens pas sur ça. C'est exactement daté à ce période-là, et dans les programmes de français des CET, c'était dans l'enseignement professionnel. Et l'âge d'éducation Comment j'ai oublié le nom des deux sociologues, ces deux femmes qui sont connues, j'ai oublié le nom du livre. C'était justifié par quoi Ça demanderait mon développement, qui sont différents, ce qui a un peu été dit. Je peux parler de vous. Merci de cette précision, parce que ça permet quand même de défendre le milieu pédagogique de certains reproches qu'on a pu leur faire, effectivement, de collusion, de complicité indirecte avec effectivement le système néolibéral dans la gestion effectivement des compétences en particulier. Hein. C'est vrai. Alors après donc la condition lycéenne et étudiante, pourrait-on dire, on pourra étudier la condition enseignante. Donc Éric de Barbieu, l'intitulé de votre contribution. Oui, vous avez une question, oui, d'accord, oui, bien sûr. Tout à fait. Monsieur Guillaume, c'est important de celui qui était, qui n'a pas été directeur des études à Sciences Po, d'être un institut. D'accord. Est-ce qu'il y a des éléments de référence à donner ponctuellement avant qu'on passe à la deuxième intervention et après des questions plus de débat, plus mises en débat? Oui. La réponse que tu attends à ta question sur Parcoursup, CPE, destin commun, c'est pour le débat. C'est peut-être pour le débat. Je me suis permis, c'est vrai que ça fait des jours que j'y pense, mais voir si on y répond maintenant ou après. Ce serait préférable de battre, de faire un petit échange de débat. Non. Si. J'ai une réponse à ça, qui vaut. D'une part, on pense que les aberrations vont être corrigées l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on gardera la base idéologique de mise en concurrence mutuelle, mais en recentralisant, parce que à l'évidence, les les gens sont furieux d'attendre. Donc finalement, le fait qu'on connaisse la solution optimale va se réimposer par-dessus la volonté idéologique dans un an, ce qui me... J'ai parlé ça exactement il y a 4 jours, et il y a un rapport Terra Nova qui est sorti il y a 3 jours pour dire en substance ça. Et Terra Nova étant quand même la plupart du temps un très très bon prédicteur de ce qui arrive. Sur l'état des forces, elle est très faible. Je pense qu'il n'y a pas de, politique qui puisse se fonder sur le mensonge, la mobilisation est très faible. Et elle est très faible pour des raisons qu'on peut expliciter, mais en particulier par le fait qu'il y a un repli massif de l'écrasante majorité de la population sur la sphère privée et une prise sur la sphère publique qui est pratiquement nul, une crise politique qui est pratiquement nulle, de sorte que, eh bien, c'est partout le petit nombre. Et j'ajouterai à ça, ça va boucler avec mon exposé, et ça, c'est une des choses qu'on apprend à étudier le néolibéralisme théorique et sa réalisation concrète maintenant, c'est que la montée en puissance du néolibéralisme entre sa phase d'élaboration théorique et sa phase hégémonique depuis le tournant des années 80, c'est 40 ans. 40 ans, c'est le temps qu'il faut pour concevoir une doctrine, la promouvoir de sorte à ce qu'elle se réalise. Par conséquent, pour le mouvement émancipateur qui est en phase d'extinction depuis la fin des années 70, après cette période phase des années 70 où la droite a fait des réformes de gauche, ou en tout cas émancipatrices ou progressistes, dans une phase d'hégémonie culturelle du camp émancipateur, sans pour autant avoir dans les urnes le résultat correspondant, et bien depuis les années 80, le mouvement émancipateur n'a plus de projet, n'a plus d'idées, et il est dans une phase de refondation intégrale, pratiquement sur une base nulle. Par conséquent, mes perspectives intimes, il est que jusqu'à mon décès, le travail n'est pas du tout de bloquer cette réforme-là. Le travail de fond, il est revisiter déjà une description actualisée de l'état des choses, la plus scientifique possible. Bon, c'est ce que concernant un enjeu politique, et reconstituer un corpus, éventuellement par la contre-culture. Et malheureusement, on est dans une phase où le camp émancipateur est ultra minoritaire, dans lequel le repli sur la sphère privée est massif, et dans lequel nous partons avec des bases de reconstruction extrêmement faibles. Et donc, une fois que l'on part avec cette idée-là, du coup, la question de savoir si on va réussir à mettre un point d'arrêt à cette réforme aussi devient un peu secondaire. On voit les choses d'un peu plus loin. C'est quand même un petit peu délicat de dire on ne discute pas avec les députés quand même. Parce que ça va se faire. Les grosses assertions, on ne sait pas si on les discute ou pas. Donc voilà, c'est bon. Non, il y a plein de choses à dire sur la question des votants, mais qu'est-ce qu'on fait? La personne qui anime fait ce qu'elle... On peut en décider collectivement, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi-même, j'ai posé une question. Généralement, c'est ce qu'on fait, oui, voilà. Oui, donc 10 minutes peut-être de... 10 minutes, oui. Par débattant, et ensuite... D'accord, 10 minutes, par exemple. Hein. Moi, j'avais... Pour arriver là dans les écoles de compétences, un avis ou quoi. En soi, la société apprenante, quoi. Enfin, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Quoi. Et ça, c'est absolument étonnant, là, le succès que ça a, c'est tout là. Quoi. Vous voyez ce que c'est, apprendre en soi d'aller dans la société apprenante. Oui, d'accord. Mais en ce moment, ça prend énormément. Là aussi, je pense que vous êtes un peu. déjouer le slogan, c'est apprendre à apprendre, c'est-à-dire en soi-disant c'est les enfants auxquels on apprendrait à apprendre, mais finalement c'est les profs auxquels on apprend à apprendre aux enfants, enfin, en jouant sur le double son du mot apprendre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, vraiment ça, ce qui se met en place là, avec excusez-moi l'expression, là, le bullshit là, autour de tout ce qui est la société apprenante et tout à fait préoccupant aussi, enfin, c'est mis à part. En plus administratif, en plus et ça percole pas mal au sein de l'éducation nationale, me semble-t-il. Je trouve que tu anticipes un peu sur ce qui ne va pas se passer, parce que bon, on est dans un moment où les réponses sont arrivées dans les familles, où des situations comme celle que tu dis, Sophie, sautent aux yeux, d'autres qu'on connaît aussi, une classe entière d'un lycée de Saint-Denis où il n'y a personne qui a un oui, etc., etc. Il ne faut pas sous-estimer les effets, les acteurs ne sont pas des imbéciles, ils ne sont pas condamnés à la passivité. Il ne faut pas sous-estimer le fait que si on parvient à collectiviser ces informations, faire que ce ne soit plus des diagnostics individuels et privés sur l'incapacité du gamin, etc., mais que ça devient, et tout ça peut créer des situations intéressantes du point de vue de l'action collective. Moi, je ne pense pas qu'il faille mettre une croix là-dessus aussi allègrement, tu le fais. Par ailleurs, alors, des choses plus techniques, bien sûr, quand même, pour mieux comprendre, tu disais tout à l'heure que, ça y est, ils sont prêts, au fond, à améliorer le système en le recentralisant. Alors, il faudra que tu nous dises un petit peu en quoi ça pourrait consister, cette recentralisation. Parce que il était, je crois, essentiel dans cette affaire de faire croire aux collègues des formations demandées qu'ils avaient juridiction sur le choix des étudiants. On comprend ce qui n'a pas été le cas, pour 25 000 raisons, et d'ailleurs, en gros, quand les présidents sont pris la main, ou quand les collègues dans les formations sont aperçus qu'ils n'y arrivaient pas, ils ont pris l'algorithme ministériel, c'est une forme de recentralisation non officielle. Avec cette absurdité, bien entendu, des notes, enfin, de la transformation de la fiche projet en notes avec une précision au millième qui équivaut, c'est parfaitement démontré par des matheux que ça équivaut en fait à une généralisation du tirage au sort. Bref. Donc la recentralisation, elle aurait cet énorme inconvénient, c'est d'appeler un chat et de dire non, c'est pas vous qui faites les choix dans les formations, c'est en fait un choix centralisé. Et ça fait perdre sa puissance, à mon avis, à ce système, puisque toutes ces réformes, on le sait bien, elles sont faites pour nous reprogrammer la tête et nous faire croire qu'on participe à leur mise en œuvre. Alors, donc, j'aimerais bien que tu puisses préciser ce que pourrait signifier une sortie élégante de toutes ces absurdités patentes de la part du gouvernement. J'avais une autre question plus, qui est une espèce de... C'est une question peut-être un petit peu technique. J'avais cru comprendre qu'au fond, dans cette évaluation mutuelle des lycées et des lycéens et des formations, il y avait deux choses qui se passaient. Le classement des candidats, ça c'est massivement évident avec tous les effets qu'on sait. Mais il y a aussi le classement des formations. Et quand j'ai développé ça dans des discussions, etc., l'objection qui m'a été faite à plusieurs reprises, c'est au fond, APB aussi classait les formations, puisqu'il y avait des vœux ordonnés. Donc APB était une sorte de référendum gigantesque pour dire voilà les formations les plus demandées. Donc je ne savais pas quoi répondre. Donc Bruno, dis-moi ce que j'aurais dû dire sur ce sujet. En d'autres termes, est-ce que Parcoursup participe de la mise en concurrence généralisée des formations elles-mêmes, donc des établissements, et comment ? Comment le fait-il plus que le système précédent ? Ça, c'est mes questions. Donc, cette réponse, quel dispositif technique changer ? Eh bien, remettre les vœux en données, mais en gardant la préférence formation, c'est-à-dire comme c'est asymétrique homme, femme, femme, homme, si on remet les vœux ordonnés, on obtient l'optimal du point de vue des formations, mais instantanément. On peut, c'est-à-dire, on optimise non pas le rang du vœu de chaque candidat, on optimise le rang du dernier prix de chaque formation. Et du coup, c'est un risque politique, parce que c'est un risque politique du point de vue. En battant le fait que les lycéens n'ont pas si peur de. On rend l'information devient publique, qu'on va voir que les lycéens sont mal servis. C'est un gros problème. Et tu as tout à fait raison que le contrôle des subjectivités suppose le bordel actuel. Et en particulier, le fait qu'il y ait un mouvement dans les rues n'est pas forcément ressenti négativement par le pouvoir. C'est-à-dire, ça aussi, ça contribue à ce qu'on voit où sont les universités mobilisées, les UFR mobilisées, et dans le jeu de dépréciation, il y a ça aussi, dans le jeu d'appréciation du privé. Ensuite, est-ce que APB classait les formations? Oui, à l'évidence, on n'entre pas dans un nouveau monde de ce point de vue-là, simplement, dans le jeu du mariage, eh bien, le bon élève comme le mauvais élève avaient le même droit sur leurs vœux, avec les légers biais de territorialité et de boursier. Et donc c'est en ça que ça, le basculement de homme, femme, femme, homme fait ça. D'autre part, ça, j'ai pas voulu reprendre aujourd'hui comment ce dispositif s'insère dans une lignée de réformes. Et c'est très important de le garder en tête. La réforme clé du programme de Macron, celle qui est mise en avant, les frais d'inscription n'y sont pas, c'est la différenciation des établissements. Cette différenciation des établissements, on sait pour quelle raison, pour créer de la concurrence, on sait qu'elle est nettement amorcée puisque les programmes d'investissement d'avenir étaient faits pour faire sortir du lot les 10-12 grands pôles à vocation à avoir de la recherche et passer à des universités de proximité avec le corollaire qui est le changement de statut des universitaires, de sorte que dans les universités de proximité, après tout, on n'a pas besoin de gens qui font de la recherche, il s'agit d'un enseignement de licence de proximité. Et ça, à nouveau, je reprends. Il est très important, de mon point de vue, de faire une critique du corps émancipateur quand elle a fait des erreurs massives. Je pense que l'idée même d'université de proximité qui arrivait avec le gouvernement Jospin a été une erreur monumentale, peut-être la pire en 30 ans. L'idée de mettre des établissements de sorte que les jeunes gens restent chez leurs parents et aillent à l'université à côté, et une erreur massive. Les campus universitaires ont fait sortir les jeunes gens, et le moyen de l'émancipation, sortir de chez ses parents, c'est un moyen d'émancipation. On a des jeunes gens qui sont à 30 ans chez leurs parents. Il faut voir le niveau d'infantilisation des jeunes gens. Et la secondarisation de la licence qui arrive avec ces établissements de collèges universitaires ont, de ce point de vue, c'est un mot que j'avais oublié, une importance primordiale, puisque quand on avait le certif, on était émancipé au sortir de la guerre. Quand on avait le bachot, on était émancipé et adulte pour toute la classe moyenne qui y passait ou le tentait jusqu'à aujourd'hui. Et on est en train de décaler le passage à l'âge adulte à 21 ans quand même, avec des jeunes gens qui restent, qui n'ont pas les moyens matériels d'avoir des apparts jusqu'à 30. Donc cet infantilisme, cet écrasement des jeunes adultes, c'est ça aussi qui se joue là. Sur le point de vue négatif des choses, sur toi, ça m'empêche pas de faire de l'agit-prop au quotidien pour mettre le feu sous la bouilloire des fois que les lycéens sortent dans la rue d'ici l'été. Mon sentiment est que non. Il y avait d'autres questions. Un petit commentaire par rapport à la réalité de la parcoursup en ce moment, avec un regard de résultat de l'université de où ça a l'effet vraiment, marché et offre de formation. C'est-à-dire que là, les classements, c'est vrai que c'est pas nouveau. Déjà, il avait montré, mais dans l'université bavarienne, où ça fait à peu près 10 ans, peut-être que certains voudraient supprimer un certain nombre de filières, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Et donc derrière, il y a toute une politique de poste aussi qui joue. Là, nous, on a des exemples dans l'université. Donc je vais prendre deux exemples, fac de lettres et fac de sciences. Puis on peut prendre fac d'éco aussi, parce que là, il y a eu un logiciel assez intéressant qui a tourné. Et bien, en allemand, qui est quand même une discipline où on peut se demander depuis longtemps, on se dit, mais pourquoi une université comme Créteil, il n'y aurait pas de classement, de la philo d'ailleurs, ou de la philo classique, c'est le centre de Paris. On a, parmi les 20 places, parmi tout le vivier de candidats qui en a dit oui, en attente, etc., il n'y en a qu'un qui a confirmé. Tous les autres sont partis, donc c'est-à-dire pour le moment, sauf le rectorat qui nous mettra déjà en allemand, sinon off, l'allemand ferme. Un candidat prend l'allemand. Alors que l'année dernière, on remplissait les 20 places dès le premier coup de la PB. Pareil dans certaines licences de sciences. Et en éco, où on avait 4350 demandes, et où l'algorithme assez savant qui a été mis en place, notamment pour essayer de voir des péréquations entre lycées, se dire qu'un 12 dans un lycée A ne vaut pas un 12 dans un autre lycée, donc il faut essayer de pondérer et donc de jouer sur les notes qu'on pouvait avoir. Pour avoir le milieu. Oui, bien sûr, parce que c'est parce que ça va en dehors des rêves de mes collègues. Moi, je suis à la fac de sciences de gestion, hein. Donc, mais en gestion, on sélectionnait déjà après deux ans, donc on était déjà dans les logiques de sélection, dans les postes de prépa et tout ça, donc on pratiquement c'était normal qu'en gestion il fallait sélectionner. Mais en économie, le rêve quand même de mes collègues économistes, c'est aussi, ça jouait sur le fait que, est-ce qu'ils impliquent plus en recherche, enfin, tout ça joue avec la formation par la recherche, c'était quand même d'avoir de meilleurs étudiants en maths pour pouvoir faire de la bonne économétrie, quoi. C'est quand même le rêve de nos collègues aussi en centre de Paris, d'essayer de rivaliser avec les classes prépa pour récupérer quand même les meilleurs. Donc là, sur 4300, il y a eu après ce logiciel un classement très clair à qui on a dit oui à 2000. Et puis ensuite, les autres étaient mis en attente. Puis on a eu quelques oui. Et à l'heure actuelle, sur l'ensemble de cette masse, on n'a que 22 qui ont confirmé. Tous les autres se sont mis en attente. On a 420 places. Imaginez. Et là, en 15 jours, il y a eu absolument, ça n'a pas bougé, quoi. Ça n'a pas bougé. Il y en a 22 qui ont dit, moi, ok, j'ai ma cadeille. Tous les autres disent, bah, je suis en attente. C'est-à-dire que pour le moment, je ne dis pas oui, j'espère avoir mieux, évidemment. Alors bon, je pense que comme dans le centre de Paris, ça va être complètement, ils ont dû demander par rien, comme ça va être complètement corrigé, je pense qu'on va finir par les avoir, mais peut-être pour le voir en septembre. Ce qui est un autre problème là concret, d'organisation de rentrée. À l'heure actuelle, dans l'université, les gens se disent, mais est-ce qu'on aura un groupe de TDS, est-ce qu'on en aura deux? Et finalement, moi je me dis qu'il y en a qui jubilent derrière, parce qu'il y en a qui connaissaient bien la situation précisément d'endroits où il y a des effectifs assez faibles. Là, ça va aussi vraiment justifier la rationalisation de l'offre de formation. Et une certaine rationalisation nationale aussi qui va jouer, parce que là, ça va vraiment devenir criant. Pour des universités dites comme la nôtre de proximité, de banlieue, bon voilà, on n'a pas le même public qu'ailleurs, que dans le centre de Paris. Et ma dernière élément, je disais, donc justement, peut-être souvent une question, c'est que je me dis, puisqu'au fond, Parcoursup, donc il y a 40% déjà de filières sélectives en France, en premier cycle. Là, il va y en avoir maintenant 100%, au fond, si on prend les 60%. Et que ça va permettre aux meilleures universités du centre de Paris, je pense, en lettres, en sciences, de recruter les meilleurs, et peut-être d'en piquer aux classes prépa. Donc je me disais, est-ce que, moi je sais toujours, je me disais, est-ce que ça va pas, finalement, il va y avoir un moment ou un autre, on va pas être obligé de mettre en place cette question qui pour moi est centrale à ma vie, qui est celle, finalement, des prépas, des écoles. Et de l'université, peut-être que ça va avoir cet effet où il y a à 3-4 ans, en tout cas vous êtes un peu plus, mais où on va bien être obligé de reposer la question parce que bah, peut-être que les prépas en R4 et le grand restent ce qu'elles sont, peut-être, mais c'est donc jamais, peut-être. Et moi je le vois dans ma discipline en gestion, où on est évidemment, on commence avec les grandes écoles, donc la société très vite à l'humain, on peut dire qu'on commence depuis les années 70, je veux dire, on a toujours été, on savait très bien, et comme tous nos élèves d'ailleurs sortant des grandes écoles, ils savent très bien que la rémunération va être supérieure, et donc ils investissent aussi dans facilement dans le système sélectif ou dans des concours, parce qu'ils savent que quand même les dividendes sont forts. Ils regardent les grilles de rémunération toujours de nos étudiants de master, gestion, par rapport à ceux qui sortent de l'ESSEC ou de l'HEC. Et ça, c'est, je vois, moi, je suis moi-même diplômée d'une école de gestion, il y a bien longtemps, en 80, et rien n'a changé. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la suite en 30 ans. Donc je me disais peut-être, je suis sûre, enfin, si on n'arrive pas à invoquer Parcoursup, ce qui, vu la faible, d'une certaine manière, réaction et l'intériorisation finalement de nombreux de nos collègues pour essayer de se dire bon, essayons de sortir le mieux possible de la plus vieux. Peut-être qu'un des effets pourrait être une certaine mise à plat de ce système. Alors, ça ne serait pas forcément pour le mieux. Hein. Et même que APP, ce n'était pas très humain non plus, quand même. Hein. On ne peut pas dire que APP, ce n'était pas humain. Je ne sais pas, moi, je l'ai vécu en tant que parent. Mais quelle angoisse, ce machin. Alors là, Parcoursup, c'est des grands pas. Mais c'est vrai qu'on partait avec déjà des outils, même si j'ai bien compris tout l'avantage d'un système plus central que complètement, précisément, l'avantage d'un peut-être. Mais donc je me demandais s'il n'y aurait pas peu, enfin, si vraiment on persistait, comment faire pour, ou alors, autre question, comment faire pour résister. Et au-delà du fait qu'on s'est dit qu'on avait certains refusés de classer et de traiter les dossiers, qu'on reçoit d'ailleurs un certain nombre de. On nous rappelle qu'on a la réserve aussi des fonctionnaires pour ne pas divulguer d'informations, etc. Enfin, en interne, il y a quand même des pressions assez fortes. Mais comment faire, nous, en tant qu'acteurs universitaires, pour quand même essayer de continuer à. Je pense que c'est une question particulière, si vous me permettez. Est-ce que j'ai eu les recours juridiques de la part des syndicats, de l'AIDH, sur le caractère un petit peu anticonstitutionnel de cette privation de droits pour toute une jeune génération? Donc, il se trouve que Pierre Ouzoulias, qui est sénateur et chercheur au CNRS, a été un relais. Avant, c'était Isabelle Attard qui avait ce rôle. Maintenant, il a pris ce rôle. Et je pense qu'il a fait toutes les attaques juridiques qui étaient possibles et qui ont été déboutées les unes après les autres. Alors, je crois que vous voulez intervenir. Très bien. J'ai une question par rapport aux compétences. C'est un peu de ma formation de doctorat de philosophie de l'éducation. Et la critique que vous avez faite de la notion de compétence me paraît un petit peu décalée avec l'ensemble du propos qui est sur Parcoursup et les dangers de Parcoursup. Parce que vraiment, la notion de compétence, on parle. C'est vraiment l'idée que 1000 personnes vont se servir de façon très différente. Au Canada, vraiment, les personnes travaillent depuis 20 ans, 30 ans avec cette notion-là. Et ça a des effets positifs aussi. Donc. Je ne sais pas à quel point, dans la stratégie du discours pour critiquer l'idéologie néolibérale, la notion de compétence est intéressante à questionner, en fait. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut donner aux scientifiques en disant, voilà, c'est un outil, vous pouvez l'utiliser d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon, on va voir, mais à quel point ça donne des armes pour le discours de critique du néolibéralisme. Donc voilà, c'est... J'ai pas le critiquer, mais c'est parce que j'ai pas pris une précaution oratoire. Enfin, oui, c'est une critique. Mais ce que je cherche à faire de manière systématique, c'est opposer le système qui prévalait pendant l'ère fordiste avec quelles sont les mutations en cours. Et à l'évidence, entre les savoirs et leur mode d'évaluation, entre un savoir conçu comme quelque chose de continu et un savoir qui est segmentable à l'infini, dont chaque bloc est évaluable, et c'est son essence d'être évaluable, eh bien, il se joue quelque chose. Ça ne signifie en aucun cas que je sois nostalgique de l'ordre précédent. Ça signifie que je tente de décrire quelque chose qui se joue et qui est important à nommer, et en particulier donc sur cet aspect que la compétence c'est une superficie des choses quand le savoir était en continu et l'évaluation étant superficielle, cette inversion entre l'évaluation et le savoir, il est quand même symptomatique de cette mutation. Donc moi, je l'associe pleinement là-dedans, ce qui ne signifie pas qu'il y ait des bons côtés ou des mauvais côtés, ou qu'il ne faille pas faire avec le système. Je tente une description, mais je ne voudrais pas qu'on prenne ce que je dis pour un point de vue réactionnaire sur la période fordiste, avec tout ce qu'elle avait d'insupportable, de patriarcat dans la cellule familiale, de caractère épouvantablement corseté dans les savoirs. Il y a une mutation, tente de la décrire, voilà. Maintenant, mon aspiration politique, elle est vers un mouvement émancipateur qui ne soit pas du tout un retour à l'ère gaulienne et qui ne soit pas un statu quo. Mais donc, Une dernière question. Merci. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre analyse intéressante. Vous avez démontré une chose qui n'est pas toujours très sensible dans les critiques, n'est pas toujours très visible dans les critiques de ce système. Au moins, par exemple, dans les discussions étudiantes ou doctorantes, ou bien que j'ai interviewé plusieurs lycéens qui se sont mobilisés. Et pour eux, le problème principal de ce système, c'est plutôt la délimitation ou la restriction de la liberté du choix. Tandis que ce que vous avez démontré, c'est plutôt, ce n'est pas une délimitation du choix, mais plutôt la temporalisation du choix, qui se repose assez sur le capital économique et social des lycéens, c'est-à-dire ceux qui peuvent atteindre plus, si j'ai bien compris. La logique, le mécanisme, sont justement ceux qui ont une place plus élevée dans l'hierarchie sociale. Tandis que ceux qui acceptent plus rapidement, ce sont des gens qui ont moins d'assurance pour le futur, et alors ils sont moins dotés de tous les types de capitaux. Alors justement, la question que je voudrais vous poser concerne le sujet qui a été déjà abordé, et c'est le sujet de comment cette architecture probabiliste s'en sert dans l'hiérarchie des établissements. Parce que ce que démontre ce système assez mal ajusté encore, mais qui est ajustable probablement même sans centralisation, c'est une possibilité de déshiérarchiser les établissements. Je me demande s'il y a dans l'architecture même les mesures de pondération, les correctifs, qui permettent de garder les bons établissements d'un côté, les pôles d'excellence, et les mauvais de l'autre. Je peux donner un exemple à partir de l'expérience russe, comment ça a été géré. Justement, ça a été géré pas du tout à l'intérieur du système, de l'architecture, parce que la libéralisation du genre, avec un autre type d'examen, mais à peu près le même type de mécanisme, c'était une universalisation de l'équivalent du bac en 2009, qui était considérée comme la base de la possibilité ou des chances d'entrer dans les universités. Alors, tous les étudiants ont une possibilité de déposer leur demande dans n'importe quelle université, et c'est justement à la base de la quantité de demandes que l'université a la possibilité de choisir les meilleurs. C'est-à-dire, c'est un système ultra libéral, c'est vraiment un type de marché libre, sauf que, à partir de 2009, le gouvernement a découvert que ça ne se régule pas tellement bien. C'est-à-dire que ça pose une question justement de l'hiérarchie des établissements. Et ce qui a été introduit comme correctif, c'est que les 10 établissements les plus grands, les plus célèbres aux universités, ont une possibilité d'ajouter les examens d'entrée, les orales, qui peuvent superposer ces résultats du choix libre effectué par les nouveaux entrants. Alors justement, est-ce que dans ce système qui est mis en place aujourd'hui, qui est testé aujourd'hui, il y a des possibilités à l'intérieur du système de garder, de conserver l'hiérarchie des établissements, où il y a des outils plutôt bureaucratiques qui permettent les établissements de refaire quand même le choix et de renverser le choix fait par le système. Pourquoi le système? système conçu comme ça, avec les dispositifs tels qu'ils sont, évolue vers une séparation et non pas vers l'équilibre dans lequel tout se vaut. Alors ça, j'y crois profondément, que seul l'imaginaire égalisateur et l'action égalisatrice est susceptible de donner la même valeur à deux licences sur le territoire. Et donc, pour moi, c'est absolument évident que le système tel qu'il est conçu, avec des moyens très parcimonieux, c'est-à-dire avec peu d'incitations, on obtient des très gros effets, et un système qui se sépare. Mais tout est fait pour que ça se sépare, c'est-à-dire que ça fait quand même 5 ans qu'il y a un appel d'offres tous les 6 mois de l'État pour donner des moyens à spécifiques à des établissements qui se colorent d'une manière ou d'une autre. Et donc l'influence normative des comportements, elle est permanente. Et d'autre part, c'est ce que je disais juste avant, l'imaginaire collectif, l'imaginaire dominant, il est très important, la manière, et c'est pas seulement dans, si il y a une vocation à modeler l'imaginaire, à modeler les subjectivités, eh bien c'est justement parce que c'est très fonctionnel, une grande partie de la population croit à ça foncièrement, et donc cette reconstruction d'un imaginaire dans lequel l'éducation, c'est une valeur importante et il faut s'en charger et amener l'ensemble de la population à un certain niveau d'éducation, c'est une bonne chose pour la société, eh bien on est dans une phase dans laquelle cette pensée est très faiblement partagée, et donc ça aussi participe du fait qu'avec des moyens très parcimonieux, la dérive peut être virulente. Donc je pense pas qu'il y ait de mécanisme intrinsèque qui limite, qui tende vers l'égalisation. L'égalisation, elle arrive avec l'imaginaire émancipateur, et on sait bien que par le mouvement ouvrier, par des grandes phases historiques, l'Athènes démocratique, la Révolution française, on a soudainement des événements qui amènent cet imaginaire émancipateur, égalisateur, et qui rattrapent par les mouvements de rue, et je répète, ils sont très faibles, mais il n'y a pas de mécanisme intrinsèque au marché qui soit égalisateur. On va être obligé de passer aux deuxième intervention, hein, parce que sinon... Bon, très rapidement alors, oui. Moi, j'ai quand même envie de dire que le principal problème, c'est que la création d'un poste à l'université et des contours de place ne pouvait pas permettre à tous les jeunes d'ici à l'université. Donc, comment est-ce que tout va être rempli, de toute façon, puisqu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez dans 10 ans. Il faut faire attention à la temporalité. On est dans la montée en charge. Le baby boom de l'an 2000, la montée en charge arrive entre moins 2 ans, moins 3 ans et plus 7 ans. Et donc là, en ce moment, on peut, en poussant les murs, encore caser tout le monde. Et alors ça, je suis prêt à faire le pari que fin septembre, ils mettront un point d'honneur à pousser les murs. C'est-à-dire à ce qu'on ne puisse pas dire il y a des étudiants sur le carreau. Et il y aura une communication massive fin septembre qu'on a réussi. La preuve, il n'y a pas un étudiant sur le carreau. Alors bien sûr, on a mis quelqu'un qui n'avait aucune affinité avec sociologie à Paris 8, on a mis là. Mais on va tous les caser. Et la crise qui arrive, les fameux 150 000... étudiants du baby-boom, ils arrivent, il y en a donc 3 dixièmes qui sont derrière nous, qui sont arrivés, et surtout, ils arrivent dans les prochaines années. Et donc, quand on tire la sonnette d'alarme pour dire 150 000 étudiants, c'est que 5 universités qui manquent, c'est vrai, mais ça est devant nous encore. Je me demande si c'est vrai le phénomène quand même que certains, devant l'angoisse de l'attente, se désister et aller dans le privé. Parce que parallèlement, il y a un marché privé qui se développe. Qui se développe. Et ça, à mon avis, dans le cas d'une université comme la mienne, bon, là, qui est quand même attractive, pas loin que d'autres, ils peuvent peut-être se dire, donc ça risque peut-être, c'est aussi un autre phénomène qui risque d'être